110 radio 76 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 6 79 78 61 60 59 58 57 56 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32